Les rameurs des forêts ont arraché de terre le bois de leurs racines pour prendre leur envol. Ils s'imaginent monter vite et haut dans les airs, mais reste à plafonner à 3 mètres du sol. Les rameurs des forêts avec leurs bras de branches brassent l'air devant eux pour se faire avancer. Et le vent haut les yeux sur leur visage de planche, ils ont juste un espoir, celui de voir passer les demoiselles de brume. Planent au-dessus des bois, elles sont à peine vêtues d'un manteau de nuage. Quand un rayon de lune vient les toucher du doigt, un sourire ingénu s'accroche à leur visage. Les demoiselles de brume, de leurs mains de rosée, dispensent à la nature un petit coup de pouce. Elles posent des perles d'eau sur les toiles d'araignée, sur les feuilles et les herbes et les cheveux de mousse. Des rameurs des forêts à grands coups de racines brassent l'air derrière eux, se projettent en avant pour tenter d'approcher celle qui les fascine. Ils se tordent et s'agrippent à tous les plis du vent. Les rameurs des forêts avec leurs gestes habiles s'efforcent de saisir la main qui les caresse, mais leurs doigts de brindis ne traversent que le vide. Alors qu'au-dessus d'eux, lentement disparaissent les demoiselles de brume, voient les bons pathétiques de leurs adorateurs. Mais si elles le désirent, elles se laissent attraper du bout de leur tunique, et l'eau, le bois, le feu pourront se réunir. Les demoiselles de brume leurs amours pudiques dans un nid de vapeur, de flamme et d'étincelles. Derrière un drap de feuilles, c'est la rencontre unique, enfin entre un rameur et une demoiselle. Un peu de bois noirci, un tas de braise qui fume entre nous et le ciel, de la cendre qui vole et le vent qui disperse quelques